up and les yeux ouverts, blessé par la lumière du jour, j'ai un goût amer, le souvenir de leur rire autour. Ils étaient ma raison, mon air et ma chanson. Dans ma pénombre, j'ai égaré ma dignité, mon nom, comme abandonné mes rêves à mes démons. Pardonne, je noie mes prières, emportées sans repère, comme une bouteille à la mer. Sans repère, comme une bouteille.